Unité 23. L'article partitif. Exercice 2. Pour moi, du café et du pain avec du beurre. Moi aussi, mais avec de la confiture, pas de beurre. Et je bois de l'eau. Moi, je ne bois pas d'eau, je bois du thé. Je ne mange pas de pain, pas de confiture, mais du fromage et du jambon.